et les pendules à l'heure. The Way et Benny Blanco, Benny Blanco et Zek, on met les pendules à l'heure. C'est l'heure du gros son, microphone killer, on met les pendules à l'heure. The Way et Benny Blanco et Zek, on met les pendules à l'heure. C'est l'heure du gros son, vas-y dealer. J'ai failli pas venir, me suis dit ça va pas le faire. Ce soir on déchire tout, lâche pas l'affaire. Faire le pantin sur scène, faut que ça en vaille la peine. On fait ça l'ancienne, cherche pas le thème. Cherche les chattes et la thune, évite les problèmes. Tu connais le proverbe, qui cherche la mer trouve le reste. Je reprends mon souffle comme un fumeur de clope, histoire de faire fumer le mic, motherfucker. The Guar remet alors les putes qui s'emportent. Microphone qui l'a, on te met bien comme la tequila. J'en place une pour monsieur KR. Tu dis merde mais c'est qui ça. Ose me dire que tu kiffes pas. Ne mens pas, ne fais pas la lope ça. Ils ont pris le train en marche alors qu'on pilote la loco depuis facile 15 ans. Vétéran ODS déjà mort bien vivant. Toujours pas enterré, j'avoue que c'est grisant. J'avoue, le gros son pour ta chaîne, ton portable, toi tu revois sa thune hein. C'est pour ceux qui portent les grosses chaînes et même pour tous ceux qui portent le turban. On met les pendules à l'heure. The Guay, Benny Blanco et Zek, on met les pendules à l'heure. C'est l'heure du gros son, microphone killer, on met les pendules à l'heure. The Guay, Benny Blanco et Zek, on met les pendules à l'heure. C'est l'heure du gros son, vas-y dealer. Mais c'est qui ça, Benny Blanco The Guay, t'entends pas. Mais qui revoilà. Mais c'est qui ça, Benny Blanco The Guay, t'entends pas. Oh non, les revoilà. On propose des faces sans une once de strass. Avec la grande classe pour les frères dédicaces. Classe, y'a que de la technique et du réflexe. Dignidas comme à l'époque de Das Effex. Ça parle de fesses, de tease, de tests. Mais pour notre bise, on veut notre pèse. Mets-toi à l'aise, si tu en face des deux fades à nos croupes. Comme un type des émirs, crois-moi. On est là depuis longtemps, combat. Dans les tranchées pour un moment, y'a que des momies. Des fantômes, des zombies, appelle maman. Si tu peux pas test au chromie, ça joue au chroma. Sans penser aux conséquences sous trauma. Si t'as vu déjà mort au DS, stresse pas. Tu vas encore en prendre pour 10 ans. Nos détracteurs ont disparu depuis un bout de temps. C'est tentant de te mettre à la monture instru. T'es dans le goudron, si tu veux prendre ce qui nous est dû. T'aurais pas dû, si t'as pas su. T'es devant les deux pires salauds que t'es jamais vu. On met les pendules à l'heure. The Guay, Benny Blanco et Zek. On met les pendules à l'heure. C'est l'heure du gros son, microphone killer. On met les pendules à l'heure. The Guay, Benny Blanco et Zek. On met les pendules à l'heure. C'est l'heure du gros son, vas-y dealer. On met les pendules à l'heure. The Guay, Benny Blanco et Zek. On met les pendules à l'heure. C'est l'heure du gros son, microphone killer. On met les pendules à l'heure. The Guay, Benny Blanco et Zek. On met les pendules à l'heure. C'est l'heure du gros son, vas-y dealer.